On va parler de football. Il y a quelque temps, on vous a parlé de Graham Aganda qui a décidé finalement de joindre le Rouge et Or de l'Université Laval. Mais il y avait son frère qui, lui, est en attente d'une décision, est en attente de sa décision, qui s'appelle Kamanda Maganda. Et on dit que c'est le meilleur joueur de football des écoles secondaires québécoises qui est sorti depuis une main qui dit Chimanga Biakabutuka. Quoi qu'il en soit, il a annoncé cette semaine qu'il allait se joindre à une université, pas une université, mais une école secondaire aux États-Unis, et on parle avec son entraîneur des écoles secondaires qu'il a dirigé de l'école Saint-François à Québec, Luc Savoie. Salut Luc! Oui, bonjour! Luc, y es-tu si bon que ça? Ben, c'est un joueur qui est extraordinaire parce que ça fait que Kalenga est arrivé ici en deuxième secondaire, en même temps que Gloire. Gloire a joué ici en cinquième secondaire. Puis je te dirais qu'à son année troisième secondaire, il a fallu demander déjà des dérogations là, aux fédérations sportives pour qu'ils puissent jouer avec les juvéniles avec dans une catégorie supérieure, ce qui était interdit à l'époque. On a eu un dossier à monter. En fin de compte, le dossier était accepté. Puis à sa première saison avec l'équipe juvénile, là, qui est l'une des meilleures au Canada, Kalenga a été reconnu comme le meilleur joueur de la Ligue à son année de troisième secondaire. Donc, pas besoin de te dire qu'en quatrième, il a répété l'exploit. Puis cette année, en cinquième secondaire, répété l'exploit très facilement. Puis il a connu des matchs cette saison carrément extraordinaire, là, des matchs de plus de 400 verges de gains dans des gains, puis au bal d'or, au championnat provincial cette année, qu'on a remporté, je pense qu'il était à 467 verges, ouais. 4 touchés dans le match, fait que c'est des choses qu'on n'a pas vues depuis, moi, en tout cas, ça fait 23 ans que je suis là-dedans, ça s'est jamais vu, mais comme je te dis, c'est un petit gars qui est extraordinaire dans sa façon d'être, puis au niveau du football, ben, c'est un gars que moi, j'ai jamais vu faire d'erreur ici d'assignation en 4 ans, il a échappé le ballon une fois, c'est cette année au bal d'or, là. On l'a récupéré, mais il y avait 6 pouces de neige sur le terrain. Fait que, tu sais, c'est un gars qui est très, très, très spécial. Mais 400 verges au sol, c'est trop fort. C'est gigantesque. C'est trop fort pour la Ligue, hein. Un porteur de ballon, quand il porte le ballon de 200 verges au sol par match, c'est tout un match, mais lui, il en a fait 400. Il était beaucoup trop fort pour la Ligue, là. Ouais, puis pas en 60 courses, là. On parle à peu près, dans ces matchs-là, de 33, 30, 34 courses, puis que ça fait des moyennes. T'sais, aux alentours de des fois de 9, 10, 11 par portée, là, c'est vraiment beaucoup. Cette année au bal d'or, le premier jeu du match, il marque un toucher, puis il reste quelques secondes à faire dans les dernières secondes de la match, puis il a encore un touché de 70 verges, deux fois 70 verges. T'sais, fait que, t'sais, c'est un bonhomme qui a commencé, il a fini son dernier match, il a commencé de toute beauté, puis il l'a fini un peu comme dans une histoire Cendrillon. Là, fait que ça met un peu aussi de choses spéciales dans son cas, lui. Est-ce que la ligne à l'attaque, j'ai vu une ligne à l'attaque, ça prend quand même une bonne ligne à l'attaque pour mettre 400 verges, là, quelque part, là. Oui. Est-ce que la ligne... Oui, votre ligne à l'attaque l'a aidé beaucoup? Oui, mais c'est sûr qu'on a une bonne équipe. On avait des vétérans à sa ligne à l'attaque. Comme je te dis, on a une défaite ici en 3 ans, là, dans le meilleur calibre de football au Québec. Je pense qu'on a 6 défaites dans les 9 dernières années. On a été ranké 1 en 2012, 3 l'année dernière. On a fini deuxième au Canada cette année, fait que dans des classements canadiens. C'est sûr qu'on a une bonne équipe de football. On a 65 joueurs, entre 65 et 70 joueurs par année. Kalenga est une pièce maîtresse depuis 3 ans, mais il était bien entouré, mais ça demeure que c'est un joueur qui est très spécial. OK. Dis-moi, est-ce qu'il y en a même qui disent qu'il est le meilleur joueur depuis Chimanga Biakabutuka? Pour les gens qui ne savent pas c'est qui Chimanga Biakabutuka, c'est un joueur qui a joué avec les Wolverines du Michigan dans les années 90. C'était un joueur dominant à l'époque. Je me rappelle d'un match contre Ohio State et des George. Les gens qui veulent voir ça, c'est sur YouTube. Et Biakabutuka a été un premier choix des Panthers de la Caroline par la suite. C'est des blessures qui l'ont ralenti. Et il y en a même qui disent que c'est le meilleur joueur qui est sorti du football québécois depuis ce temps-là. Est-ce que c'est vrai? Ah, définitivement que Chimanga, c'était, je pense que en termes de joueur d'impact spectaculaire, là, on pense à Laurent Duvernay-Tardy, autres Québécois présentés dans la NFL. Chimanga, il s'appelait pas Touchdown Tim pour rien, puis surtout pas Michigan où il jouait, puis après ça dans la NFL. Fait que c'est difficile de comparer, je trouve, des joueurs qui ont eu des carrières comme ça professionnelles avec un jeune qui a encore 17 ans, parce qu'il a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais nous ici, on a déjà eu Alexis Bouengui, qui a terminé en 98, qui a joué à Kentucky University dans la SEC, qui a joué plusieurs années avec les Lions de la Colombie-Britannique. c'est un joueur qui avait brûlé toutes les ligues, hein, puis il avait eu une saison extraordinaire aussi, mais je te dirais que présentement, au même âge qu'Alenga, je pense qu'il est plus spécial que ces joueurs-là, même si ces joueurs-là, c'est des joueurs très, très spéciaux. Mais après ça, la suite des événements joue dans beaucoup de choses. Kalenga a encore beaucoup de choses à apprendre et à développer. Donc, au niveau académique aussi, c'est hyper important. Puis aux États-Unis, c'est pour ça qu'on l'envoie là. Puis au niveau de la vitesse, je pense que Kalenga, il sait présentement qu'il faut qu'il aille chercher un peu plus de vitesse en ligne droite. Les universités américaines testent beaucoup sur le 40 verges. C'est vraiment ce qui est très important. T'as beau être un très bon joueur, mais ça te prend 40 verges aux alentours de 4-6 présentement. Et il faut qu'il aille chercher une coupe de 10e encore à ce niveau-là. Ça se fait-tu? Sûrement? Ah oui, ça se fait définitivement. Ouais, ça se fait? Oui, OK. Le gars, il a le physique, puis il a la morphologie pour être capable de le faire. Présentement, c'est pas une question de poids ou de grandeur. C'est un gars qui est à peu près à 5-10,5, qui pèse aux alentours de 205-210 livres. C'est un gars qui est très fort physiquement, qui techniquement est excellent. Je te dis, la seule chose qui reste à améliorer, là, c'est vraiment ça. Le pure speed, c'est-à-dire sur 40 verges, il faut que ça sorte plus vite que ça. Là. Donc, c'est un porteur de ballon de finesse et non d'un porteur de ballon en ligne droite comme Jerome Bettis. C'est tout ça que... Ouais, c'est plus de finesse. Puis je te dirais qu'il est capable de mixer les deux. On n'a jamais coaché ici pour qu'il en ligne du monde et qu'il pogne des gars face à face, parce que c'est un gars qui était capable de mettre le ballon dans son début à toutes les fois. Mais c'est un gars qui est un petit peu plus de finesse, mais il est capable de mélanger le côté physique, parce qu'il est dur à plaquer, il court très bas, il a des qualités, comme je te dis, des choses qui s'enseignent pas. Là. Il y a un mouvement latéral là, devant des joueurs là, qui est carrément intimidant. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu es capable d'entraîner ou de travailler avec des porteurs de ballon. C'est quelque chose que lui il a instinctivement lui, puis ça lui donne une touche qui est très spéciale. Là. OK. Dis-moi, est-ce que il a choisi l'université, c'était en Virginie, je pense, c'est ça? Oui, c'est une école préparatoire, prep school qu'on appelle, à Woodbury Forest, à Orange, en Virginie. Puis on avait quand même plusieurs écoles au début qu'on a ciblées. On a parlé des écoles de Californie, Los Angeles, Bellflower, là, des gros Matter D.E. puis des choses comme ça. C'était vraiment John Bosco, des grosses écoles secondaires où mais c'était un petit peu, il y a toujours quelque chose de compliqué. Là, des fois c'était la résidence où ils pouvaient habiter. Des fois c'était une école secondaire qui avait des règlements qui ne pouvaient pas l'accepter parce que c'était un transfert. Donc on s'est vraiment dirigé vers des prep schools américains, des écoles préparatoires, c'est des écoles privées. Mais plus au sud, là, on a déjà placé plusieurs joueurs. Là. On en a présentement à Williston, à Northampton, dans le New Hampshire. On en avait à Kent avant. On voulait les placer plus au sud pour les exposer davantage à la famille du football supérieur là, pour qu'ils jouent éventuellement en Division 1. OK. Division 1, est-ce que Chimanga, Biaka Butuka a joué pour les Wolverines? C'était la grosse université? Parce qu'il faut savoir qu'il y a 300 équipes de football collégial aux États-Unis. Ouais. Est-ce que il va être vu, parce que si le talent, s'il continue à se développer, est-ce qu'il va être vu par Ohio State, il va-tu être vu par Alabama, il va-tu être vu par Georgia, les grosses universités, est-ce que à l'école que tu l'envoies? Oui, je te dirais que oui, c'est un mécanisme qui est un peu différent du junior majeur au hockey. Ouais, j'en connais ici, là, qu'il y a des dépisteurs à peu près à tout une game, midget 3, puis il y a des dépisteurs dans les coins de rue, là. Aux États-Unis, ça marche beaucoup par contact puis par relation. Donc, des entraîneurs là-bas, l'entraîneur-chef est Scott Braswell, c'est un monsieur d'expérience qui est en Caroline du Nord longtemps, qui a beaucoup, beaucoup de contacts, mais qui va amener aussi Kalenga puis Mathieu, parce qu'on a un autre joueur qui va avec lui. Oui, j'ai vu ça. Dans des tests de recrutement, là, eux autres, ça se passe beaucoup vers la mi-mai jusqu'à peu près à la mi-juin. Donc, ça va être à Coach Braswell puis à Woodbury Forest d'organiser ce genre de visite-là ou ce genre de test-là à Michigan ou à des places comme ça. Là. Puis à ces endroits-là, éventuellement, il y a plusieurs recruteurs qui sont là. Puis c'est là que c'est important de bien tester, donc de bien courir puis de courir avec rapidité sur un 40 verges. Là. C'est des porteurs de ballon aux États-Unis, il y en a. Là. Ah oui, c'est ça. Pour te sortir du lot, il faut que tu sois spécial. Kalenga, il est spécial, mais il sait qu'il faut qu'il travaille cette partie-là de sa game. Puis, comme je te dis, je suis persuadé qu'ils vont l'amener à bon point par après. Là. Mais des qualités vraiment spéciales. Fait que, tu sais, je te dis pas, ça peut être Clemson, ça peut être North Carolina, mais chose certaine, c'est que ça va être Division 1. OK, division 1. Parce que, mais, puis même division 1, mais c'est ta division 1 forte, puis division 1 moyenne aussi. Tu sais ce que je veux dire? Ça, peut être, ça va être division 1 forte. Tu sais, dans différents points de vue, l'important pour nous, puis pour lui, c'est qu'il joue division 1, puis qu'il puisse aller dans un endroit académique qui convient à ce qu'il veut faire. Les écoles là-bas sont très spécifiques. Il y a des écoles qui demandent beaucoup de choses au niveau académique. Woodbury Forest, chose certaine, c'est que Kalinga et Mathieu vont sortir de là avec un dossier académique exemplaire. C'est une école qui demande beaucoup de qualité académique. Puis au bout de la ligne, avec le bulletin académique puis les notes, puis le football en arrière, ça fait en sorte que les écoles sont beaucoup plus intéressées. C'est plus facile de rentrer dans certains endroits. Ouais. Est-ce que tu as vu un changement de mentalité dans la NCAA? Parce que tu n'es pas sans savoir que la NCAA, c'est surtout le basketball, mais on dit que ça va toucher le football éventuellement. Il y avait des notes falsifiées, il y avait du trucage également, des cadeaux par en arrière pour attirer des joueurs. Est-ce que tu as vu un petit peu un changement de philosophie? Là tu as négocié avec la high school, là, mais ça doit paraître pareil. Si la philosophie te change en haut, la philosophie va changer en bas aussi. Ouais, depuis 25 ans, ça a changé énormément. Je veux dire, il y a eu des joueurs dans le temps qui ont eu des diplômes qui ne savaient même pas lire ni écrire pratiquement, mais la même chose a changé avec les écoles secondaires. Puis c'est là que l'importance de choisir la bonne école secondaire, ça vient vraiment avoir un impact sur ton choix d'université par la suite. Il y a des écoles aux États-Unis, puis c'est ce qu'on regardait en Californie, des écoles qui sont extrêmement fortes au football, mais qui placent 6 ou 7 joueurs par année, 5 ou 6 joueurs par année dans des écoles de haut niveau comme Stanford ou des places comme ça, tandis que une école comme Woodbury Forest va t'amener vers ces écoles-là qui sont un peu plus, je te dirais, sélectives au niveau académique. C'est ça qu'on veut pour eux autres, parce que oui, le football, c'est bien correct, là, mais au bout de la ligne, ces gars-là, leur objectif, c'est nécessairement des fois de pouvoir aller aux États-Unis, de pouvoir jouer universitaire, puis éventuellement de rester aux États-Unis par la suite. Ben oui. Dis-moi, au niveau scolaire, comment est-il actuellement? C'est-tu dans la moyenne? Es-tu fort? C'est dans la moyenne. C'est dans la moyenne, OK. C'est un gars qui est en chimie physique, qui est en maths SN, les maths les plus fortes, qui a un niveau d'anglais qui est très bon. Chez nous, à l'école, c'est un niveau académique qui est très difficile, qui est hyper exigeant. Donc, c'est sûr que le dernier mois et demi, deux mois, là, c'est pas nécessairement évident pour un gars de cet âge-là, avec toutes les distractions qu'il y avait autour, là. Mais je suis certain qu'il va terminer en force. Il y avait un excellent bulletin quatrième secondaire, donc je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas présentement. Là, il peut s'améliorer, puis il peut toujours faire mieux ici, mais ça fait partie un peu là, du processus dans lequel il vient de traverser. Là. OK. Tu connais-tu Gloire un peu? Parce que j'ai parlé avec Serge Bouchard. Oui, Gloire, je le connais très bien. OK. Penses-tu que lui... Guy aussi, le frère Kalinga, il est en secondaire 4 ici aussi, un autre excellent joueur de football. Là. Est-ce que tu penses que dans le cas de Gloire, le Rouge et Or, on peut le voir comme partant éventuellement? Ah, définitivement que oui. Puis, tu sais, Gloire, la réalité, c'est que s'il reste en santé, il va être un joueur d'impact. C'est un porteur de ballon, c'est extraordinaire aussi. À Laval, il va probablement faire sa marque dès le départ, ses unités spéciales. Il y a une belle aventure présentement avec le Rouge et Or. Puis, Gloire, ça dépend comment il veut l'utiliser. Tu sais, faut pas trop que tu le promènes de porteur de ballon à receveur. Mais si tu le laisses comme porteur de ballon pur, là, c'est un gars qui est extrêmement explosif. Il a été diminué par les blessures cette année, mais l'année précédente au CNDF, l'année du Baldor, il était extraordinaire dans sa saison. OK. Puis son frère, je le connais pas, son frère. C'est-tu un bon joueur de football? C'est un porteur de ballon? Son frère, c'est un porteur de ballon qui jouait déjà pour nous autres en secondaire 4 cette année. Il a joué défensif là, à corner. C'est un jeune aussi qui est très spécial. Il est plus grand que Kalinga. C'est un jeune là, qui va être à surveiller aussi là, l'année prochaine. On va faire un peu de faire la même chose. Tous les réflecteurs sont sur son frère, là, mais on essaie de faire la même chose avec Iragi la saison prochaine. Hey, je me mets à rêver d'une couple d'années. Tu vois-tu, sur ESPN, à écouter la NCAA football, et Kalinga Muganda est pour l'Université du Michigan, ou peu importe, Ohio State, Alabama, Texas peut-être, puis tu vas dire, ce gars-là joue à Chupugamo. Sincèrement, je suis persuadé que, tu sais, si la santé est là, je suis persuadé que tu vas pouvoir le faire. Moi, Alexis Bouingui, qui jouait, comme je te dis, à Kentucky, il jouait dans la SEC, il jouait contre Alabama, Auburn, tout ça, fait que, tu sais, on le voyait à TV souvent, c'était un peu spécial de voir un des boys que tu sais, moi, je les traite comme mes fils, puis c'est important pour moi. Fait que quand tu vas là-bas, quand tu vas aller voir jouer là-bas, tu vois tout l'impact que ces gars-là ont, puis la notoriété que ces gars-là ont. Puis ce qui est toujours un peu spécial pour être allé à quelques fois à Kentucky. On a eu un autre ancien aussi, bon, François Dubrochu, qui jouait à Boston College. Quand tu vas voir ces gars-là, c'est comment ils sont terre à terre quand ils sortent de là. C'est devant 90 000 personnes, mais le lundi matin, ils ont des cours à 8h30, puis ils retournent en classe comme n'importe quel étudiant de l'université. Ouais. C'est l'affaire qui est le plus, qui m'a toujours fait un peu plus triper. Là, donc, c'est très impressionnant de voir ça. Mais n'empêche que Québec, tu sais, il y en a sorti Chibougamau, qui est ce gars-là, on peut se vanter qu'à Chibougamau, qui est sorti de Chibougamau, qui a joué un an à Chibougamau, puis qui là, il va jouer devant les caméras d'ESPN. Ça va être drôle. Ah ouais, puis tu sais, son frère a fait, tu sais, Kananga n'a pas peur de dire que Gloire, l'a amené à jouer au football, puis qu'ils ont là-dessus après ça, ils se sont développés, là, puis on parle souvent là, de la polyvalente là-bas, là, je sais quoi, le nom m'échappe, là, mais Roi du Nord. La polyvalente des Portes du Nord. Des Portes du Nord, c'est ça, Portes du Nord, on en parle souvent. Oui, effectivement. On parle souvent qu'ils jouent au mois d'octobre dans l'âge aussi. Et puis Serge Bouchard les a quand même bien entraînés. Luc Savoie, un gros merci, bonne chance pour la saison, puis on va suivre Kananga Muganda très rapidement. Pas de problème, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est Luc Savoie, l'entraîneur de Kananga Muganda.